t'es rendu compte que le billet pèse beaucoup plus lourd que ta conscience. Que ton compte en banque t'entraîne à revendiquer le substance. Que l'argent t'a fait cracher sur tes plus grands regrets. Suite aux économies familiales, enfin dû improviser. C'est dans un monde d'Afrique que nos âmes sont anesthésiées. Tout le monde cherche la paix, ils ont la guerre et récompense. L'économie a pris grosse valeur entre famille et assurance. Viens faire un tour dans ce monde où les pauvres font le combat. Et tu comprendras qu'ici, le chiffre d'affaires est roi. Ici, ceux qui transpirent le plus sont ceux qui gagnent le moins. Certains enchaînent les crédits pour un petit bout de pain. On ne peut plus attendre la prochaine fiche de paye. Les jeunes font concours de trafic pour avoir leur merveille. Le fric et la carotte que l'homme apprécie le plus. Les gens ne se permettent plus que le marché au plus. Ça fait un moment que le pétrole contrôle notre avenir. Que les politiques codent ce qu'on va leur offrir. Ce fricage jusqu'à maintenant acheter notre conscience. Nous nous laissons faire pour quelques histoires de finances. Le facteur a beaucoup plus les frais de facture que des lettres qui parlent de notre prochain futur. L'argent était un très bon serviteur mais tellement mauvais maître. T'illumine de l'extérieur mais détruit tout ton être. C'est le cadeau tellement demandé et apprécié. Mais très vite les conséquences tu devras les assumer. L'un ne passe pas l'autre et tu dois nourrir maman et papa. L'autre sort son argent de poche pour s'acheter un écran plat. Le richissime aura tant de respect à son égard. Le SDF doit que la pitié pour le jeter des regards. Ici l'argent ne fait que dominer la France. Les gens s'en suicident, les autres y pensent. C'est la force de délinquance. Le trafiquant pourra s'acheter la piscine, dernier cri. Nous attendons mal y trouver le confort. Il pourra s'acheter un tout nouveau lit. Mais c'est dans le cauchemar qui s'endort. Plus encore. C'est vrai qu'une pièce peut pulvériser une amitié. Il y a des personnes qui n'ont pas la passion de la monnaie. Ils saccagent les vraies valeurs d'un être humain. Certains le vivent mal, les autres le vivent bien.